Bienvenue à la cérémonie de clôture des Jeux capitalistes de Paris. Nasser, c'est la clôture de la résidence HIV égale Alternativo à Bruxelles. Oh, je les confonds toujours. Odir, la dernière course qu'elle a faite, c'était contre la montre pour terminer son maquillage à temps. Riche. Bref, nous sommes les sœurs égards de la perpétuelle indulgence, un homme pauvre, agnostique et dérisoire, de folle radicale. Nées en 79 à San Francisco, les sœurs établirent la première brochure de Safe Sex. Elles accompagnèrent les personnes séropos tout au long de la maladie, parfois jusqu'au paradisco. En ce temps, on débarquait sur la piste de danse dans des cercueils avant de lancer l'Eurodance pour les levées de pions. Avec tous ces francs belges, français ou euros, nous organisons des séjours de ressourcement pour les personnes séro-concernées. Des week-ends ouverts à tous, sans aucune distinction, juste l'envie de se faire du bien ensemble. Les sœurs accueillent sans aucun jugement, on a déjà assez à faire entre nous. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, on va mettre un petit stand d'artisanat monastique, magnifique, des choses qu'on fait nous-mêmes. Alors, il ne faut pas être trop en lien avec la beauté artistique. Et c'est pour financer le prochain ressourcement du couvent du Nord pour les personnes séro concernées qui aura lieu le week-end du 8 mai 2025. Merci. Nous réaffirmons, avec les ressourcements et dans toutes nos actions, nos solidarités intra- et intercommunautaires. Avec les usagers et usagères de drogue qu'on condamne au lieu d'accompagner. Avec les personnes migrantes qui fuient la guerre et qu'on renvoie en charter. Aussi avec les travailleuses et travailleurs du sexe qui continuent d'être discriminés en dépit des avancées législatives récentes. Nous avons traversé et traverserons encore la pandémie de VIH. Et si on tient encore debout et qu'on peut rire entre deux larmes, c'est parce qu'on s'est formé, aidé et aimé tous deux ensemble. Alors à toutes ces pailles à usage unique écoulé, aux barésies beaucoup trop trouées et aux canapés qui ont dépanné plus d'une nuitée, santé! Après, l'épidémie n'est pas finie. Et aujourd'hui, grâce au TASP, vivre avec le VIH est possible. Si les effets indésirables persistent, les personnes séropos n'ont plus la crainte de transmettre le virus, car indétectable égale intransmissible. Un conte de fées radicales qui pourrait aboutir à la fin de l'épidémie si les labos et gouvernements servaient l'intérêt commun et pas leur grosse bourse. Les solutions de prévention contre le VIH se multiplient à vitesse grand V, de la PrEP au TPE, en passant par la capote. Le labo Gilead a même développé le lenacapavir, un traitement injectable tous les 6 mois pour les personnes séropo, voire en préventif. Quand même plus pratique que la prise quotidienne. Une efficacité à 100%, bon, un entubage aussi à 100%, prix de vente, 40 000 $. Ça fait beaucoup de ressourcement, ça. En générique, le prix chuterait à 40 $. Ça fait pas de ressourcement, ça. Peut-être qu'un jour, on verra la fin de la pandémie. D'ici là, on va devoir battre le pavé et se serrer les cornettes pour y parvenir. Thank you. monde. Celles qui aiment porter des perles et celles qui préfèrent les enfiler. Nous, on aime les perles. Les culs internationaux qui pratiquent par plaisir ou bien parce qu'il y a la marmite à faire bouillir. Celles qui préfèrent se rapprocher pour s'embrasser plutôt que pour s'engueuler. Les adeptes des lancers de pavés et celles qui aiment y marcher. Les gros, les pédés, les gros pédés comme moi, les folles, celles qui sont perdues et les folles perdues. Les camionneuses à gros engins, les lipsticks avec leurs sacs à main et les goudous avec leurs chiens. Les femmes voilées à voile et à vapeur et les mecs polias en kippa qui s'aiment à trois. Celles qui roulent, qui sautillent, qui accourent en béquille vers leurs amours. Celles qui s'aiment sans frontières, qui les traversent, qui se réfugient parce qu'elles ne peuvent plus vivre dans leur pays. On a toujours dansé, des caves du Stonewall au dance floor du palace et jusque chez maman. Au son de Sandra Kim, Angèle ou Plastique Bertrand. Voguez, twerkez et bougez, car souvenez-vous, danser égale vivre !